Vous êtes toujours sur le 100 FM, Radioactive, Lost in Space. Et que voulais-je dire ? Je voulais dire juste que c'était la fin du live, les Half Gentlemen qu'on a entendu à l'instant. On va retourner en musique maintenant avec un mélange d'un peu plus expérimental que précédemment. Et toujours avec les textes de ce boxeur qui était Arthur Cravant qui vont nous suivre tout au long de la soirée jusqu'au bout, jusqu'en tout cas au deuxième live qu'on aura tout à l'heure dans quelques minutes. Mais avant ceci, on va écouter Sal Solaris et Patti Smith nous chanter Everybody Wants to Rule the World. incapable d'originalité et ne renonçant pas à produire, je cherchais à donner quelques lustres à d'anciennes poésies, oubliant que le vers est un enfant incorrigible. Naturellement, je n'eus pas plus de succès. Tout restait aussi médiocre. Enfin, dernière extravagance, j'imaginais le prosopoème, chose future et dont je renvoyais du reste l'exécution aux jours heureux, et combien lamentable, de l'inspiration. Il s'agissait d'une pièce commencée en prose et qui, insensiblement par des rappels, la rime, d'abord lointain et de plus en plus rapproché, naissait à la poésie pure. Running from the chapel bells in worlds of my own, I'm heading for the glass house to watch the things I've grown. Oh, I know I caused an outrage in my Sunday best, but I decide on my belief and you can have the rest. I don't look at you judgmentally nor in a scornful way, but this lonely heart survives as it beats from day to day. So should I grasp attention? Well, don't suffocate my mind. Dig out all your jealousies and hopefully you find. Distance yourself from hate or else you're going to fall. Come drink to the free spirit, all for one and one for all. This is me unknowing, just in my pants and vest, and I decide whom in I confide, and you just failed the test. Release your hands from my beliefs. I no longer need your guidance. Roll up, roll up, roll up, roll up. Roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up. See the snakes, they're all alive, they're all alive. Watch me jump up over St. Paul's at noon. Throw a freaky bogus dance across the face of the moon. These death-defying acts, well, they speak for themselves. You can drift along on your own cloud and I can take care of my own self. Distance yourself from hate. I believe. climatic regions, a complete change in the world's weather. A new ice age to come, new tropics, new equator. I don't know what else, it's all guesswork. It's all science fiction. A new life awaits you. A new life awaits you. Quote the news now. People are just beginning to realize that there is real trouble in the air. Dream world. The optimists suggest probably 100 years before we will see the ozone hole close up. Dream world. The pessimists talk about 300 years. 例えばあなたが車のエンジンをかけるたびにこの温室現象の効果は高まっているわけです。 The auto industry built big cars that produce small. Every time you start your car you contribute to the greenhouse effect. We've lost about 50% of all of the spruce trees in the forest. You don't see the birds we used to see. 昔よく見かけた鳥も姿を見せなくなりました。 昔よく見かけた鳥も姿を見せなくなりました。 昔よく見かけた鳥も姿を見せなくなりました。 Je retombais dans mes tristes pensées. Ce qui me faisait le plus de mal, c'était de me dire que je me trouvais encore à Paris, trop faible pour en sortir, que j'avais un appartement et même des meubles. À ce moment-là, j'aurais bien mis le feu à la maison. Que j'étais à Paris quand il y avait des lions et des girafes, et je pensais que la science elle-même avait enfanté ces mammouths et que nous ne voyions déjà plus que des éléphants. Et que dans 1000 ans, la réunion de toutes les machines du monde ne ferait pas plus de bruit que tch-tch-tch-tch-tch. Ce tch-tch-tch-tch m'égaya faiblement. Je suis ici sur ce lit comme un fainéant, non point qu'il me déplaise d'être un terrible paresseux, mais je hais de rester longtemps que ça, quand notre époque est la plus favorable aux trafiquants et aux filous. Moi, à qui il suffit d'un air de violon pour me donner la rage de vivre ? Moi qui pourrais me tuer de plaisir, mourir d'amour pour toutes les femmes qui pleurent toutes les villes. Je suis ici parce que la vie n'a pas de solution. Je puis faire la fête à Montmartre et 1000 excentricités puisque j'en ai besoin. Je puis être pensif, physique, me muer tour à tour en marin, jardinier ou coiffeur, mais si je veux goûter aux voluptés du prêtre, je dois donner un lustre sur mes 40 années d'existence et perdre d'incalculables jouissances durant que je serai uniquement sage. Moi qui me rêve même dans les catastrophes, je dis que l'homme n'est si infortuné que parce que 1000 âmes habitent un seul corps. Thank you. C'était la nuit du 23 mars 1913. Par instant, j'entendais siffler un remorqueur et je me disais « Pourquoi es-tu si poétique, puisque tu ne vas pas plus loin que Rouen et que tu ne cours aucun danger ?» Ah, laisse-moi rire, rire, mais rire comme Jack Johnson. Thank you. Sans doute avais-je ce soir-là l'âme d'un déchu, car j'en suis sûr, personne, puisque je n'ai jamais trouvé un ami, n'a aimé autant que moi. Chaque fleur me transforme en papillon. Mieux qu'une brebis, je foule l'herbe avec ravissement. L'air, oh l'air, des après-midi entières ne m'occupais-je pas à respirer ? À l'approche de la mer, mon cœur ne danse-t-il pas ainsi qu'une bouée ? Et dès que je fends la vague, mon organisme est celui d'un poisson. Dans la nature, je me sens feuillu. Mes cheveux sont verts et mon sang charrie du vert. Souvent, j'adore un caillou. L'Angélus m'est cher et j'aime à écouter le souvenir lorsqu'il se plaint comme un sifflet. Ready to leave at night. No rules but ours. Cause we are fools and ravers. We'll be right back. J'étais descendu dans mon ventre et je devais commencer à être dans un état féerique, car mon tube digestif était suggestif. Ma cellule folle dansait et mes souliers me paraissaient miraculeux. Ce qui m'incite encore à penser de la sorte, c'est qu'à cette minute, je perçus un faible bruit de sonnette, de quoi le timbre ordinaire, en apparence, se répandit dans tous mes membres comme un liquide merveilleux. Je me levai lentement et précipitamment, j'allais ouvrir, joyeux d'une diversion aussi inattendue. Je tirai la porte, un homme immense se tenait devant moi. Shut up, shut up, shut up, shut up. When things should work, but Toujours bien calé sur le 100 FM, Radioactive, le dimanche soir, comme d'habitude, vous le savez, ça commence plutôt rock'n'roll et ça continue un peu dans le bizarre. Alors, c'était peut-être moins bizarre ce qu'on vient d'écouter juste à l'instant, c'était Dee Evans. Alors, pour les fidèles de l'émission, vous savez que j'aime beaucoup Minor Threat, Fugazi, tous les gens de Discord. Et bah, Dee Evans, c'est le groupe de Ian McKay, le fondateur de Minor Threat, de Fugazi et du label Discord Records, qui là s'enregistre avec sa petite chérie. C'est très très mignon. Le morceau s'appelle All These Governors et ils ont fait 4 ou 5 albums que vous pouvez tous vous procurer sans aucune difficulté. Il n'y a que du bon. On est donc maintenant venu à l'heure du second live et on va rester chez les New Yorkais. Alors, des New Yorkais moins bruitistes, cette fois-ci beaucoup plus mainstream, c'était les Talking Heads, que l'on va retrouver pour deux longs morceaux de leur période un peu, on va dire, funkisante. C'est Life During Wartime et Take Me to the River. C'est parti pour le deuxième live. Thank you. but about Pittsburgh Pier. You ought to know I'm not to stand by the window. Somebody see you up there. I got some groceries, some peanut butter to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play. Take me to the river. Take me to the river. Take me to the river. Take me to the river. Take me to the river. Toujours sur le 100FM, la radio alternative, la seule radio non commerciale de toute la ville de Toulon et des villes satellites, pourrait-on dire. C'est donc Radioactive 100FM et le dimanche soir, c'est Lost in Space. À l'instant, nous avons eu les Talking Heads en live. Nous allons continuer pour la fin de l'émission, toujours dans nos mix mélangeant plein de choses. On aura Divo, Can, VG Underground, les Evans encore, parce que j'en ai parlé tout à l'heure et j'aime vraiment bien, Goat, East Cleanliness et encore plein d'autres trucs. Et pour accompagner et emballer tout ça, toujours notre poète favori de la soirée, Arthur Cravant, poète et boxeur de plus de 2 mètres, disparu mystérieusement dans les années 1913 au Mexique. Neveu d'Oscar Wilde, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Si ça vous intéresse, vous retrouverez plein de choses sur internet sur lui. Ça s'écrit Cravan, C-R-A-V-A-N, et c'est parti. Mais avant, on aura Divo avec Gates of Steel. Mmh. Monsieur Lloyd, c'est moi-même, fis-je. Voulez-vous vous donner la peine d'entrer ? Et l'étranger foula mon seuil avec des airs magiques de reine ou de pigeon. Je vais faire la lumière. Pardonnez-moi de vous recevoir ainsi. J'étais seul et... Non, non, non, de grâce. Ne vous dérangez en aucune façon. J'insistais. Une dernière fois, je vous prie, me dit l'inconnu. Recevez-moi dans l'ombre. Amusé, je lui offris un fauteuil et lui fis vis-à-vis. Aussitôt, il commença. Vos oreilles peuvent-elles entendre des choses inouïes ? Pardon, balbutiai-je, un peu interloqué. Pardon, je n'ai pas très bien compris. J'ai dit, vos oreilles peuvent-elles entendre des choses inouïes ? Cette fois, je dis simplement oui. Alors prenant un temps, celui que je croyais un étranger prononça, je suis Sébastien Melmoth. Jamais je ne pourrais rendre ce qui se passa en moi. Dans une abnégation subite et totale de moi-même, je voulais lui sauter au cou, l'embrasser comme une maîtresse, lui donner à manger et à boire, le coucher, le vêtir, lui procurer des femmes, enfin, sortir tout mon argent de la banque pour lui en remplir les poches. Les seules paroles que j'arrivais à articuler afin de résumer mes sentiments innombrables furent « Oscar Wilde, Oscar Wilde ». Celui-ci comprit mon trouble et mon amour et murmura « Dear Fabienne ». De m'entendre nommer ainsi familièrement et tendrement me toucha jusqu'aux larmes. Puis changeant d'âme, comme une boisson exquise, j'aspirais les délices d'être l'un des acteurs d'une situation unique. L'instant d'après, une curiosité folle me poussait à vouloir le distinguer dans la nuit. Et emporté par la passion, je n'éprouvais aucune gêne à dire « Oscar Wilde, je voudrais vous voir. Laissez-moi éclairer cette chambre. » « Faites, » me répondit-il d'une voix très douce. Coming or going. quand j'étais jeune. Voilà. Vous l'aurez toujours entendu parler. Un parler, fou moi. De sang. Je sais. Je sais. J'ai vu un documentaire. Du coup, un truc sang. Appelé à la berge. Appelé. Le cerveau. Ah, exactement. C'est pour ça que c'est les ronds-points. Poids barre, c'est genre... J'allais donc dans une pièce voisine chercher la lampe, mais à son poids, je me rendis compte qu'elle était vide. Et c'est avec un flambeau que je retournais auprès de mon oncle. Nature has a tune.